les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est depuis 1910 que le zouave du pont de l'Alma à Paris connaît une certaine notoriété. On surveille ses pieds, ses jambes, bref, son corps. En 1910, chacun d'entre nous a pu voir les photos de l'époque, en 1910, les rues de Paris et puis celles de ville en amont ou en aval, les rues de Paris sont inondées, certaines rues. Plus rien ne marche. Sinon, des hommes, en redingote, chapeau melon sur la tête, s'efforçant de ne pas tomber de la passerelle en bois qu'ils empruntent. Plus rien ne marche. Plus d'école. Parfois, des pillards et partout, un courant torrentueux. Et de tout cela, il y eut des témoins. Soyez témoins, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 22 juin 1956. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Comme nous vous l'avons annoncé, ce soir nous allons parler des inondations de janvier 1910. Et évidemment, j'ai reçu un grand nombre de lettres d'auditeurs me proposant leurs témoignages, étant donné que tous les Parisiens ont connu ces inondations. C'est au moins qui vivaient en 1910, ce qui n'est pas une date tellement éloignée, et que même ceux qui n'étaient pas des sinistrés allaient voir les inondations. Je n'ai pu naturellement retenir que quelques témoignages. Je m'en excuse encore une fois auprès de tous les autres, auprès de tous ceux qui m'ont envoyé de véritables rapports et même des documents, des photos, etc. Alors, je vais vous proposer d'écouter d'abord les quelques témoins qui ont bien voulu venir jusqu'à nous aujourd'hui, ensuite de quoi nous confronterons leurs témoignages avec les vôtres, puisque vous, Simone, et vous, Jean Verlet, vous étiez à Paris, vous, Jean-Pierre Morfait, vous n'y étiez pas. Non, j'étais pas né. Ah, quel vénard ! Nous avons un enfant parmi nous. Ouais. Nous avons devant nous M. Miard, qui a assisté, comme beaucoup de gens, aux inondations de 1910, mais qui m'a écrit pour me dire qu'il était vraisemblablement le premier sinistré du département de la Seine, puisqu'il y avait chez lui une hauteur de 5 mètres d'eau. En effet, c'est important. Et je vais vous demander alors de nous dire ce que vous vous rappelez de cet événement. Et ce dont je me rappelle, c'est que nous avions l'habitude d'avoir quelques crues, puisque nous les subissions presque périodiquement. Tous les 2 ou 3 ans, nous prenions un petit bain de pied, mais comme les quais n'étaient pas surélevés, au fur et à mesure que l'on montait, on s'en méfiait, et puis ça n'avait pas une importance considérable. Il faut dire que M. Miard habitait Vitry. Vitry-sur-Seine, le quai du Port à l'Anglais à l'époque, qui est devenu maintenant le quai Jules Guesde. Évidemment, quand ces crues venaient, nous y parions du mieux que nous pouvions, et ça n'avait pas une grande importance, comme je viens de le dire tout à l'heure. Quand 1910 est venu, nous avons été surpris, non pas par la soudaineté, puisque ça a monté progressivement. Malgré tout, quand on a vu que l'eau montait par-dessus les quais qui avaient été relevés d'au moins 2 mètres ou près de 2,50 mètres, je ne me souviens plus très exactement la hauteur, et là, ça pouvait devenir très alarmant, et ça l'a été au point que sur le quai même, il est monté environ 2,50 mètres d'eau encore par-dessus. Les quais étaient surélevés, étaient bien plus hauts que les rues adjacentes et que les avenues adjacentes de Vitry. De telle enseigne qu'il s'est créé, là, avant que ces points bas soient remplis, un tel courant que la navigation par bateau devenait presque impossible. Elle devenait possible peut-être pour nous parce que nous étions des gens de métier. Mais vous étiez marinier vous-même. Je suis plus marinier, si vous voulez. Je suis un ancien constructeur de bateaux. Il est un fait certain que pour nous, nous étions les seuls, en somme, à pouvoir naviguer dans ces courants, qui étaient surtout contraires. Et comme les gens ont été quelque peu surpris dans leur demeure, sincèrement, je vous assure, nous étions très peu nombreux pour essayer de tirer de là. Nous y sommes arrivés, mais en faisant des gymnastiques formidables, en y travaillant presque jour et nuit. La nuit n'était pas très favorable, mais enfin, fallait même bien qu'on aille retirer les gens qui étaient montés sur leur toit, qui criaient au secours ou qui tiraient des coups de feu, etc. La première nuit, je l'ai passée presque seul. La seconde, et la seconde journée également, Il y a un marinier dont le bateau était amarré en amont du pont d'Ivry, un nommé Charlemagne Blancard, dont je veux citer le nom parce qu'il a été d'un dévouement exemplaire, est venu m'aider et avec son concours, nous avons pu nous sortir tous les gens qui étaient dans notre quartier sans qu'il y eût à déplorer d'accident mortel. C'est vous dire que nous avions été surpris parce que nous ne connaissions pas ces genres de crues. Mon père, qui était d'ailleurs le propriétaire du chantier de bateau où je travaillais avec lui, connaissait les grandes inondations de 76, mais il était vraiment comme nous surpris. Et comme il avait déjà un certain âge, ça l'avait impressionné à telle enseigne que j'ai dû lui dire, il faut en aller, laisse-nous seul. Et puis alors quand on a eu retiré à peu près tous les gens de notre quartier, de notre coin, alors du quartier de Port-à-l'Anglais, il a fallu aller voir après dans tout le quartier même, parce que c'est très étendu, Vitry. Et là, on a encore trouvé des gens qui étaient sur leur toit depuis déjà des journées et des nuits. C'est vous dire si ça devenait une catastrophe formidable. Quand c'était plein, j'ai rencontré d'un de mes anciens camarades qui, comme moi, peut-être pas comme moi parce que ça n'était pas leur métier, mais qui, du fait qu'ils habitaient au bord de l'eau, qu'ils étaient toujours avec nous au chantier, étaient très au courant du bachotage et m'ont donné la main. Nous avons équipé une embarcation tout spécialement, et des deux, dont je vais citer les noms, il s'agissait d'Edmond Chaudy et de Gaston de Messine. Avec eux deux, nous avons installé une embarcation qui nous permettait alors d'aller à notre point de débarquement, qui était l'église de Vitry, à 3,5 km de là. Nous faisions environ 3 ou 4 voyages par jour, alors qu'une nacelle du génie que les pouvoirs publics avaient appelée en dernière heure, y arrivait difficilement à faire un voyage dans la journée, parce que les hommes du génie, ce sont des gens qui, soit des coiffeurs, vous savez qu'on ne respectait pas le métier à l'époque. Et les pompiers ? Les pompiers, c'était des pompiers qui étaient des braves gens, ils n'étaient pas équipés. Alors ils faisaient leur devoir parce qu'il y avait tous ces sinistrés qu'il fallait reloger. Et avec les municipalités qui ont fait vraiment aussi, qui ont été très dévouées en la circonstance, il fallait leur trouver, les héberger, les nourrir, les évacuer au fur et à mesure. Parce que l'eau, en arrivant dans Vitry, elle était barrée par exemple la voie du chemin de fer. Puis quand ça a craqué la voie du chemin de fer, il a fallu reculer à nouveau, n'est-ce pas ? Alors c'était un travail formidable. Ça a duré combien de temps ? Dès l'instant qu'on est intervenu pour tirer les gens de chez eux jusqu'à ce qu'on puisse les ramener, ça a duré environ une quinzaine de jours. Au début, les municipalités faisaient installer avec les ponts et chaussées des passerelles, mais les passerelles ont été submergées. On y venait avec des camions, avec des chevaux qu'on traînait dans l'eau au besoin pour enlever. Mais alors, à certains endroits où le courant était contraire, là, il n'y avait plus moyen de pouvoir aborder. Il n'y avait qu'avec des bateaux qu'on pouvait faire le nécessaire. Est-ce qu'il y avait des gens qui continuaient à habiter chez eux malgré tout ? Il y en a. Ceux qui habitaient dans les étages, par exemple. Alors, ce sont ceux-là, justement, heureusement qu'ils n'étaient pas nombreux, que nous avons, avec notre installation, avec mes deux camarades, que nous avons ravitaillé comme nous pouvions, parce que cela était dans les étages et ça durait. Et dame, le pain de 4 livres, il commençait à diminuer sérieusement, et le ravitaillement était absolument impossible. Alors, il nous cueillait au passage, nous appelait où on savait où il y en avait, on allait le chercher, il avait besoin de quelque chose, on allait le chercher, on le ramenait. Mais il fallait aller à l'église, et il fallait au moins 3 heures pour pouvoir aller à l'église. C'était l'église, le centre du... C'était l'église, c'est le point où l'eau arrivait, mourait, n'est-ce pas, et on pouvait aborder. Il n'y a pas eu de maison qui soit effondrée ou... Dans notre quartier, je n'en ai pas à ma connaissance. Ça représentait combien de personnes sinistrées, rien qu'à Vitry ? À Vitry, port, il y avait environ 2500 sinistrés. Mais il y en a qui ont déménagé, puisque l'eau venait progressivement, n'est-ce pas, dans ces quartiers. Tant que l'eau n'a pas passé par-dessus le quai, l'eau venant par infiltration, progressivement, les gens s'en allaient. Mais maintenant qu'on tient la rivière dans cette murette, alors qu'il y a quelquefois 3 mètres de contrebas, 3,50 mètres de contrebas, vous savez, les gens viennent avec 1 mètre derrière la nuit, je les entends de ma demeure, moi, ils viennent mesurer, il y a encore 15 centimètres. Il y a 15 centimètres, ça va encore, on peut rester. Non, mais vous parlez de maintenant. Période actuelle. De la période actuelle. Oui. Parce que je crois que vous avez dû voir sur ma lettre, moi qui suis chargé justement maintenant de l'organisation des secours par bachotage en cas d'inondation, je fais ça depuis 1910. Ouais. Et le préfet de police de l'époque, M. Lépine, avait tellement bien compris qu'on manquait de gens compétents qu'il a organisé, qu'il a préconisé cette organisation des prud'hommes mariniers, c'est-à-dire qui constituent des cadres capables d'embaucher des gens susceptibles de pouvoir être utilisés pour le secours par bachotage. C'est-à-dire que dès que la Seine monte, encore actuellement, vous êtes alerté et vous commencez ça dure déjà, ça fait déjà au moins je ne sais combien de fois. Il y a eu 1919, 1920, 1924, c'est au mois de janvier de l'année dernière, 55, où ça a failli être catastrophique, vous savez. C'est à cela que vous faisiez allusion en parlant des gens qui venaient la nuit mesurer. C'est ça, c'est très exact, c'est ça. Et vous avez pénétré naturellement dans des maisons quand les eaux se sont retirées. Quel était l'état intérieur? Ah, alors là, c'était lamentable, vous savez, c'était comblé de vases, de cochonneries, et puis personne n'avait pris de précautions. Les victuailles traînaient, les animaux, il y en avait pas mal de crevés. Il n'y a pas eu d'épidémie après. Il n'y a pas eu d'épidémie. Je crois que les municipalités ont pris des mesures énergiques contre ça. Ils ont vidé les caves, ont vidé les points bas, on a mis des motopompes un petit peu partout, n'est-ce pas? Puis alors ils ont assaini du mieux qu'ils pouvaient pour l'époque. Mais vous n'êtes pas venu à Paris pendant qu'il y avait l'eau, alors? Vous êtes resté à Vitry? Nous ne pouvions pas, vous savez, nous étions trop occupés là-bas. Oui. Ça a duré des jours et des nuits, et je vous assure qu'on n'avait pas le temps d'aller voir ce qui se passait par ailleurs. Il y avait bien Alfortville, où c'était là aussi, terriblement submergé, puisque vous savez qu'Alfortville forme en somme une île, n'est-ce pas? Et il était environné d'eau. Il n'y avait pas un endroit de sec, Alfortville, pas un endroit. Alors là, c'était terrible également. D'après les renseignements que j'ai eus, le maximum de la crue aurait été atteint le 28 janvier à midi. Oui, c'est ça. Il a des crues, c'est fait tout de suite après, pas longtemps après. Mais pendant que l'eau montait et qu'il y avait déjà de l'eau dans les rues, nous avons eu des bourrasques de neige, on pensait bien que ça allait devenir formidable. Et puis, malgré tout, le temps s'est quelque peu amélioré. Alors, comme Laval a fini par débiter quelque peu, ça, les arches des ponts se sont dégagées. C'est que les eaux avaient ramassé tous les chantiers de bois de l'amont, de la capitale, et qui devenaient à travers des ponts, partout, à travers des bateaux. Ça obstruait terriblement le passage de l'eau, qui était déjà suffisamment obstrué par les ponts qui étaient trop petits, n'est-ce pas? Il y avait la Tournelle, il y avait le bras de la Monnaie. Alors que maintenant, tout ça, ce sont des écoulements qui sont beaucoup plus faciles. Merci. Soyons optimistes pour terminer. Soyons optimistes, oui, oui. Espérons-le. Ah, vous êtes là comme Neptune, là, avec votre trident, planté devant l'église de Vitry. Nous allons maintenant recueillir le témoignage de M. Roger Prigent. M. Prigent, voulez-vous nous dire alors ce que vous vous rappelez des inondations de 1910? J'étais, à l'époque des inondations, un enfant de 11 ans. Nous habitions alors, mes parents, ma sœur et moi, un petit appartement au rez-de-chaussée, 25 rue Mallard, à mi-distance entre la rue de l'Université et la rue Saint-Dominique. Dans la semaine qui précéda le désastre, tous les habitants des rez-de-chaussée devenaient de plus en plus inquiets, car toutes les caves étaient inondées et les grands journaux d'alors, Petit Parisien et Petit Journal en tête, faisaient paraître des informations et des photos alarmantes sur l'évolution de la crue. Le zouave du pont de l'Alma devint, d'un seul coup, aussi populaire que le président Falière lui-même. Pour la première fois aussi, les Parisiens portèrent un vif intérêt à la rue Félicien-David, cette rue d'Auteuil qui a le fâcheux privilège d'être inondée la première. Le charmant musicien que fut Félicien-David n'avait sûrement pas prévu cette étrange surcroît de popularité. La crue devenait de plus en plus menaçante dans la seconde quinzaine de janvier. Des travaux de défense hâtifs, dont l'inefficacité fut vite démontrée, s'effectuaient tout au long des berges. Les quais et les parapets furent surélevés avec des sacs de sable. Mais ce qui intriguait les enfants, c'était ces sortes de cheminées en maçonnerie dont on entourait hâtivement toutes les bouches d'égouts. On espérait, évidemment, empêcher ainsi l'eau de refluer des égouts et de se répandre dans les rues. Mais, à part les maçons chargés du travail, personne ne profita de ces dérisoires cheminées. Par les portes des caves, complètement envahies, l'eau devait bientôt s'écouler tranquillement où elle voulait. L'eau se frayait d'ailleurs des passages partout. Ainsi, dans notre salle à manger, c'est en soulevant brusquement une latte de parquet que le flot fit son apparition. Dans notre rue, heureusement, la plupart des habitants menacés eurent le temps de refouler leurs meubles vers les paliers des étages ou chez des voisins obligeants. Dans notre cas, le grenier de l'immeuble nous offrit son abri. Pendant l'avant-dernière nuit qui précéda notre départ, alors que le plus gros du mobilier était déjà en sûreté, mes parents furent prévenus de l'imminence du désastre par le bruit des tonneaux qui heurtaient la voûte de la cave. Il fallut bientôt partir avec des valises vers notre lieu de refuge rue Rochechouart. Beaucoup de traînards ou de malheureux qui n'avaient pu partir à pied sec durent recourir à des porteurs chaussés de bottes d'égouttier, les barques étant en nombre dérisoire pour assurer un tel trafic. Et c'est alors que les enfants que nous étions, mes camarades et moi, saisirent bien mieux le côté pittoresque de l'événement que son caractère navrant. Je ne me souviens d'aucune scène déchirante. Les évacués nous paraissaient, pour la plupart, mornes mais non affolés. Certains plaisantaient. Bientôt, des passerelles furent établies tout au long des façades inondées, par les pompiers, la caserne étant à 150 mètres, par le génie et même par des fantassins. C'est pourquoi les habitants des étages ne furent pas isolés longtemps. Les épisodes qui m'ont le plus frappé sont les suivants. L'évacuation à dos d'homme des retardataires. Je me trouvais au coin de la rue Mallard et de la rue Saint-Dominique là où le flot s'arrêtait provisoirement. Les porteurs avaient pour la plupart des mines joviales. Ils récoltaient pas mal de pièces de 10 et de 20 sous pour prix de leurs allées et venues. Malheureusement, si les femmes transportées se contentaient de payer le prix convenu, trop d'hommes se croyaient obligés d'offrir un verre à leurs porteurs. Le cafetier de la rue Saint-Dominique ne s'en plaignait pas, mais le bonheur de l'évacuation finit par en souffrir. D'autant plus qu'on ne buvait pas seulement du vin, mais trop souvent cet apéritif couleur de lait que M. Mendès-France n'aurait pas voulu goûter, même s'il avait été en âge de le faire à cette époque. Trop vite, les pauvres sauveteurs finissaient par ne plus marcher très droit. Et je me souviens d'avoir vu un porteur et son client culbuter dans 40 cm d'eau au beau milieu de la rue Malard. Les deux hommes, excités par les quolibets et les rires des assistants, furent bien près de se battre dans cette étrange piscine. J'avais assisté la veille avec d'innombrables badauds à l'envahissement de la voie ferrée des Invalides. Nous étions au coude à coude le long du parapet métallique du quai d'Orsay, guettant le moment où l'eau affleurerait le faîte du mur séparant la voie ferrée de la berge. Il y avait déjà de sérieuses infiltrations, mais le mur très solide tenait bon. Soudain, l'affleurement fut dépassé et une impressionnante cascade se déversa sur la voie. En peu de temps, le vaste couloir était rempli. La Seine avait gagné 10 mètres en largeur sans que la vitesse de la crue en fût visiblement affectée. C'est alors que la pompe d'épuisement, installée tout près de la gare du pont de l'Alma, dut sûrement s'arrêter. Nous avions vu cette pompe fonctionner quelques heures avant. Déjà, son débit était très inférieur aux infiltrations, mais les hommes qui la servaient n'en continuaient pas moins leur travail avec une tranquille fermeté. Ils nous enseignaient déjà qu'il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer. La gare des Invalides était alors entièrement envahie par l'eau. J'y ai vu beaucoup de pêcheurs qui n'attrapaient aucun poisson. Il n'y avait pas de maison sans étage dans notre rue, c'est pourquoi on voyait si peu de déménagements. La plus grande hauteur d'eau fut atteinte dans notre secteur rue de l'Université, près du passage Landrieux. En cet endroit, les locataires du premier étage durent eux-mêmes évacuer leur mobilier. L'endroit où s'élèvent les bâtiments de la radio rue Cognac-Jay ne fut pas inondé. C'était alors un immense terrain vague. La caserne Malard, à deux pas de là, ne fut pas davantage inondée, mais isolée, bien entendu. Étant avec des passants sur une passerelle de la rue Malard, j'eus la grande surprise de voir passer un canot automobile rue de l'Université. Le moteur faisait un bruit terrible. Dans l'embarcation se serraient des hommes en noir, coiffés du chapeau melon cher aux policiers de l'époque. C'était le préfet Lépine et ses collaborateurs qui inspectaient leur bonne ville de Paris. J'ai vu aussi rue Jean-Nico un homme en redingote qui se servait d'une échelle pour pénétrer dans un logement, au premier. Un coup de vent leva le chapeau de forme du monsieur et la coiffure partit à la dérive sur l'eau grise et sale. J'ai su plus tard par ma mère qu'il s'agissait d'un médecin accoucheur qui allait remplir son office auprès d'une parturiente malchanceuse. C'est le retour et la réinstallation qui furent vraiment déplorables. Après 15 jours d'évacuation, les appartements étaient dans un triste état. Les papiers se détachaient des murs, les parquets disjoints étaient couverts d'un limon glissant, infect. Une odeur d'eau pourrie flottait partout. On installa dans la plupart des locaux sinistrés de gros brasereaux qu'on chauffa au rouge, le plus longtemps possible. On ne vint pas à bout de l'humidité pour autant. Mais on vit se développer en mains endroits des bataillons de punaises. Notre maison resta malsaine, on l'a abattue. Elle est remplacée par un bel immeuble moderne. Quelques secours furent distribués aux sinistrés par la préfecture. C'est ainsi que mes parents, qui n'étaient pas riches, hélas, reçurent une allocation de 100 francs. C'était une bien petite fraction des dommages subis. Nous allons recueillir maintenant le témoignage de M. Jean Daribert. M. Daribert, vous avez assisté aux inondations de 1910. Voulez-vous nous dire où vous habitiez, ce que vous en avez vu, ce que vous vous rappelez surtout de cet événement? J'habitais à ce moment-là à Paris avec mes parents. D'ailleurs, j'avais à peine 12 ans. Enfin, j'allais les avoir. Et je me souviens très bien qu'à l'époque où ça s'est passé, c'était les derniers 10 jours, la dernière dizaine de janvier, et le début de février, les premiers jours de février 1910. Et avec mon père, nous allions très fréquemment, le dimanche et le jeudi, voir les inondations. D'ailleurs, nous n'étions pas les seuls, il y avait des quantités de badauds le long des quais. Et au début, on a vu les berges submergées. Et puis, un dimanche suivant, l'eau arrivait déjà à mi-hauteur des quais. Et on voyait déjà passer pas mal d'épaves, qui étaient surtout les tonneaux qui venaient de Bercy, et qui tourbillonnait dans l'eau qui était assez bourbeuse. On commençait à ce moment-là à faire des protections, en ce sens que l'on bouchait tous les passages qui étaient dans les parapets des quais. On dépavait les quais pour boucher les descentes qui allaient à la berge. Et par exemple, sur le quai du Louvre, là en face, le musée du Louvre. Et un autre dimanche, nous avons vu l'eau alors arriver à la hauteur des tabliers des ponts. Je prends un exemple au pont de Solferino, l'eau arrivait au ras du tablier, enfin en dessous du tablier, et il y avait, pour être bien précis, il y avait une pièce de bois qui flottait et qui ne pouvait pas arriver à passer sous le pont. À ce moment-là, l'eau avait déjà envahi sur la rive gauche, la rue de Lille, la rue de Bellechasse, en particulier entre la gare du Quai d'Orsay et le palais de la Légion d'honneur, on voyait l'eau qui arrivait... qui affleurait la chaussée, et il y avait à peu près 1 mètre ou 1,20 mètre d'eau à cet endroit-là. Sur la rive droite, l'eau avait été très loin, elle allait jusqu'à la gare Saint-Lazare, jusqu'à la Trinité, jusque même chez nous à Notre-Dame-de-Lorette, et elle était arrivée surtout par le quai, par le souterrain du Nord-Sud, qui était en construction à ce moment-là, et puisqu'il a été mis en exploitation au mois d'octobre 1910. Et l'eau arrivait par exemple jusqu'à Notre-Dame-de-Lorette. Nous habitions à côté de Notre-Dame-de-Lorette. Et quand on était dans la rue Bourdaloue, n'est-ce pas, où il y a l'accès actuel de Notre-Dame-de-Lorette, on voyait l'eau l'escalier d'accès de la station à peu près 1,50 m en dessous de la chaussée. Alors toutes les caves de la région étaient inondées. Vous aviez les sous-sols de l'illustration qu'on voyait très bien quand on passait rue Saint-Georges. Les caves du rue du Havre, du lycée Condorcet, étaient inondées. Nous le savions parce que mon père avait un de ses collègues qui était économe du lycée Condorcet à cette époque-là. Ils avaient essayé de lutter contre l'inondation en faisant cimenter toutes les entrées dans les caves, mais évidemment rien n'a tenu. Et l'eau a été partout. J'ai vu le maximum, c'était un soir, à la place de la Concorde. L'eau arrivait en dessous des parapets, enfin à hauteur du quai, et on mettait des sacs de ciment, on étendait sur les parapets pour les surélever au cas où le niveau serait encore monté. Mais ça n'est pas monté jusque-là, heureusement, parce que à ce moment-là, si vous remarquez, la place de la Concorde est un peu en dessous du niveau du quai, elle aurait été envahie complètement. La décrue est arrivée très vite. Au début de février, on a vu tout de suite l'eau qui baissait très rapidement. Alors à ce moment-là, nous avons été encore revoir les mêmes emplacements, mais il n'y avait plus d'eau, par exemple, dans la rue de Lille. On s'est très bien expliqué comment l'eau avait envahi toute cette partie-là. Elle était rentrée par le souterrain du chemin de fer d'Orléans, c'est-à-dire entre la gare d'Orsay et la gare du Pont-Saint-Michel. Il existait des grandes ouvertures qui aéraient le souterrain, qui ouvraient sur la Seine. Ces ouvertures, évidemment, ont servi à l'entrée de l'eau. On nous a expliqué à l'époque qu'on avait... placer la base de ces ouvertures, le seuil, d'après les codes d'inondation, qui était la plus ancienne, enfin la plus importante que l'on ait connue jusque-là, qui était de 1874, je crois. Et puis, cette côte a été largement dépassée, et l'eau a envahi le souterrain et est ressortie à la gare d'Orsay par les soupiraux qui donnent sur de la rue de Lille. D'ailleurs, à ce moment-là, on voyait, quand on regardait par les soupiraux, on voyait encore des rames de wagons qui étaient dans la gare, et il y avait de l'eau jusqu'au niveau des portières qui avaient été prises par l'inondation. On voyait tous les gens qui étaient dans la rue de Lille qui nettoyaient leur sous-sol, qui étaient envahis par le limon, évidemment. Moi qui ne connais les inondations de 1910 que par quelques cartes postales envoyées par les Parisiens dans leur famille de province et que j'ai retrouvées dans des albums de cartes postales lorsque j'avais 7 ou 8 ans, j'avais le sentiment, en effet, que l'eau avait atteint la gare Saint-Lazare et qu'il y avait donc une étendue continue. Je crois que, à la vérité, il y avait quelques nappes dues à des jaillissements souterrains dans certains quartiers. Oui, c'est ça, parce que... Mais c'était répandu par les égouts ou par les souterrains. Oui. Par les souterrains, oui, il y avait tout de même l'esplanade des Invalides qui était complètement couvert d'eau. Ah, oui, tout ce qui était près de la Seine était entièrement couvert d'eau. Ça faisait un effet assez impressionnant de voir cette immense... Il y avait une espèce de lac. Oh, oui. Non, mais ce que veut dire Jean-Pierre Morfait, c'est qu'en effet, le phénomène gare Saint-Lazare était un phénomène isolé. Isolé. À Place de la Trinité, il n'y avait pas, on ne marchait pas, on n'allait pas en bateau. Non, mais tous les sous-sols étaient inondés. Monsieur Daribert, puisque vous étiez enfant à ce moment-là, est-ce que vous avez eu le sentiment sentiment d'un désastre, ou bien est-ce que vous avez surtout été amusé par le pittoresque? Ah non, on a eu l'impression d'un désastre. D'ailleurs, on s'en est bien aperçu, puisqu'après, on a fait des collectes dans tous les collèges pour retirer ou bien de l'argent ou des vêtements pour tous les inondés. Si, on a eu l'impression que c'était quelque chose de dramatique. C'est ça, vous avez eu tout de suite cette impression. Ah, oui, là, oui. Vous avez été pris par le drame également. Ah, oui, ça vient pas de... Enfin, c'était impressionnant. Quand un soir, j'étais au pont de la Concorde, là, on voyait cette eau qui arrivait à peu près à votre niveau, cette eau tourbillonnante, avec des tas de débris dedans, des fauteuils ou je ne sais pas quoi qui nageaient dedans. Ah oui, un mobilier complet. Ça faisait une drôle d'impression, n'est-ce pas? C'est très dramatique, la vue de l'eau. Épouvantable. Épouvantable. Bon, ben merci infiniment, monsieur Daribert. Voici devant nous maintenant madame Chalois, qui m'a écrit qu'elle avait assisté aux inondations de 1910 et qui veut bien nous raconter ses souvenirs. Travaillais à Mimarceau dans une boulangerie près d'Étoile, et je portais le pain et mes derniers clients étaient au bord de la Seine. Parce qu'à l'époque, on portait le pain. On portait le pain, oui, le lait, le pain et les journaux, monsieur. Oui. Tout ça, c'était porté à domicile. Ouais. Le pain fondu et la pesée. Tous les petits, tout. Ah. Petits croissants, tout. Alors, naturellement, la boulangerie du haut de l'avenue Marceau n'était pas touchée par l'inondation. Ah non, elle était trop haut. L'étoile, c'était un peu trop haut. Mais c'était vos clients qui étaient... C'était ma client qui était au quai de Billy, rue de la Manutention. Au Trocadéro, j'avais le prince de Monaco au 2, et quand je l'avais servi, quand la Seine a commencé à monter, j'allais vite voir mon petit zouave au pont de l'Alma pour voir la montée de l'eau. Et alors, quand l'eau est arrivée au cou, j'ai arrêté d'aller voir le zouave parce qu'on parlait de faire sauter le pont. Ah bon, alors... Alors, comme je ne voulais pas sauter avec, j'ai donc arrêté d'aller du côté du pont et je suis venu à l'escalier de la rue de la Manutention porter mon pain. Et le jour que les inondations étaient le plus haut, je me suis trouvée au haut de l'escalier, toute saisie, de voir cette étendue d'eau. Avec, au pied de l'escalier, il y avait au moins pas loin, jusqu'au tréteau. Les tréteaux sont encore assez hauts pour soutenir des planches. L'eau était presque au haut des tréteaux. Elle était toute noire. Et dans la Seine, elle courait à une vitesse formidable, en charriant toutes sortes d'objets. Enfin, j'ai même vu un bœuf qui avait tantôt le dos du côté de l'eau, tantôt les quatre pattes en l'air, des tonneaux. J'ai vu un arbre entier. Des armoires à glace. Non, pas d'armoires à glace. Moi, j'ai vu une armoire à glace. J'ai vu des planches, enfin de toutes sortes de baraques qui avaient certainement été démolies. Mais ce qui m'a beaucoup fait, moi, de l'effet, enfin, c'était cette vitesse que la Seine allait, oui, avec tout ce qu'elle charriait, et puis cette étendue d'eau qui allait dans tout le 15e partout, auprès du Trocadéro, qui était en ce moment-là, c'était pas le nouveau, c'était l'ancien. C'était un peu campagne, puisqu'on allait manger sur l'herbe, il y avait des pelouses et des bosquets. Le long du Trocadéro, ça faisait une vraie plage, puisque c'était tout couvert d'eau partout. Et vous avez été amené à apporter du pain au... J'ai hésité à descendre l'escalier, mais enfin j'ai descendu l'escalier quand même. On me disait, descendez donc. Arrivé au bas de l'escalier, il y avait des planches, et quand j'ai mis un pied sur la planche, ça bougeait. Je voulais plus avancer, moi. J'étais pas rassuré, naturellement. Alors il y avait deux militaires de chaque côté de ce petit ponton, qui m'ont pris par le bras et qui m'ont emmené presque de force, parce que j'avais l'air vraiment ridicule d'avoir peur. Écoutez, j'avais 19 ans. Mais non, c'était pas ridicule. J'avais 19 ans et j'avais pas de soucis, j'avais pas d'ennui. J'étais jeune fille, je ne vivais que pour le soleil et puis notre petite vie de travail. Enfin, j'étais heureuse. Et d'aller sur ce petit ponton, vraiment, j'étais malheureuse, je vous le dis franchement. Alors, j'ai donc été avec mes militaires et arrivé devant ma maison, où était ma cliente à la fenêtre qui faisait des ébats, qui causait, qui racontait. Je lui ai donné son pain par la fenêtre. Et je suis revenue sur mes escaliers. J'ai remonté et j'ai toujours regardé cette formidable scène qui était tout dans son désarroi, dans sa catastrophe. Était quand même jolie à voir, vous savez. C'était grandiose à voir, monsieur. Parce qu'on ne voyait plus rien de la scène. Ni pont, ni parapet, ni rien. On voyait que de l'eau à perte de vue. Eh bien, je vous remercie beaucoup de cette description très pittoresque. Vous n'avez pas de questions à poser à madame Chalois? Non. Vous êtes en désaccord sur l'armoire à glace, mais enfin, vous avez pu voir... Oui, parce que je vous assure que j'ai vu pas mal de choses. Enfin, forcément, c'était pas tous les jours pareil. Madame Chalois venait là seulement quelques heures par jour, mais moi, j'habitais 54 quai de Billy, je voyais dans ça tout le temps. Ah oui, il y a une chose que vous avez... une armoire à glace que madame n'a pas eue. Mais parce que j'étais à mon travail et je pouvais pas... Naturellement. Vous avez su, alors, madame, si vous étiez au 54 quai de Billy, ces deux petits militaires qui ont été apportés avec la barque. J'ai entendu le petit caporal crier, c'était épouvantable. Mais ils ont été, ces deux petits militaires ont été au bord... Ils ont voulu s'approcher trop de la Seine, et comme il y avait un courant au ras de la caserne et des maisons, ces deux pauvres petits militaires ont été emmenés avec leur barque, et vous savez... Je ne sais pas si vraiment on les a retrouvés et où on les a retrouvés. C'est ce courant, moi, qui me fascinait, vous savez. C'était, vous savez, une vitesse formidable. Vous savez, je ne peux pas vous dire, j'ai vu la mer chez nous en Bretagne, puisque je suis bretonne. Mais j'ai jamais... Ce courant-là était formidable ici, c'était fantastique. Et je ne pouvais pas détacher mes yeux. Merci beaucoup, madame Chalois. Service, monsieur Dumas. Nous allons entendre maintenant ce que va nous raconter monsieur Louis Plazia, qui a bien voulu venir jusqu'à nous pour nous dire ses souvenirs des inondations de 1910. Où habitiez-vous, monsieur, à l'époque ? En 1910, j'habitais à Gennevilliers, à côté des usines Chanard et Valcaire. Et à cette époque, je n'avais pas encore 8 ans. Les inondations, pour nous, ça a été un jeu d'abord. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il n'y avait pas la circulation qu'il y a aujourd'hui. Les enfants vivaient beaucoup dans les rues. Il n'y avait presque pas de transport automobile. L'attraction était animale. Et dans le quartier où j'étais, là-bas à Gennevilliers, ça n'était pas construit comme aujourd'hui. Il y avait par exemple un groupe d'habitations, des maisons de 1 à 2 étages, au grand maximum. Et puis après ça, il y avait les champs. En face de chez nous, il y avait des champs à perte de vue. Il y avait même des fermes, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, évidemment. Et alors, un beau matin, comme ça, nous apprenons qu'il y avait les inondations. Plus d'école. L'eau ayant débordé dans la boucle de la Seine. La boucle, vous savez que la Seine fait une boucle, oui. En passant Saint-Denis. Par Saint-Denis, Épinay, etc. Revient vers Saint-Germain. Et là où nous étions, nous voyons à perte de vue une grande étendue d'eau. Où nous étions, nous, c'était trop surélevé pour que nous ayons quelque chose à craindre. Nous n'avons jamais été inondés, nous autres, là-bas, du côté de chez Chanard et Valcaire. Et la première nouvelle que vous en ayez eue, c'est l'inondation et la fermeture de l'école. C'est surtout la fermeture de l'école qui nous intéressait. Alors, vous étiez ravis, naturellement. Évidemment. Et alors, il y avait de l'eau à droite, la Seine derrière, de l'eau à gauche. Nous imaginions que nous vivions dans une île déserte, vous savez, comme les enfants se font des idées. Et alors, nous étions partis avec des camarades voir l'arrivée des eaux. Nous y allions un petit peu tous les jours. Et je me souviens, par exemple, ça c'est un souvenir très précis, que nous avions trouvé un sommier qui se trouvait là, on se demande par quel mystère, et dans la réserve d'un chiffonnier voisin. Nous avons été lui prendre des bidons, nous avons fait un superbe radeau avec ce bidon, et nous nous sommes lancés à plusieurs sur l'eau. Des souvenirs plus précis, par exemple, la corvée de pain, c'est moi qui étais chargé d'aller chercher le pain, et je me rappelle très bien le prix du pain, il coûtait 14 sous le pain de 4 livres à cette époque, 13 sous le pain de 4 livres. C'est moi qui, en sortant de l'école, étais chargé d'aller chercher le pain, et le boulanger où nous allions en temps ordinaire était inondé. Sa cave était complètement noyée, son fournil ne fonctionnait plus. Et je me souviens très bien avoir été chercher le pain chez ce boulanger. Les autorités avaient réquisitionné évidemment le commerce. Ils avaient fait venir des soldats pour faire le pain. Et ces soldats, qui devaient être des soldats du génie, je suppose, avaient monté dans la rue inondée un four en briques qui était surélevé. Ils approchaient de ce four sur les passerelles. Les femmes attendaient aussi pour avoir le pain, tout ce qui était nécessaire à la nourriture. Évidemment, le ravitaillement était un petit peu difficile. C'était pas évidemment des grosses privations, mais enfin, ça commençait à devenir difficile. Je me rappelle très bien toutes ces femmes, telles qu'elles étaient habillées à l'époque, avec des très grandes robes, qui attendaient, le regard anxieux, évidemment. Personne ne pensait à plaisanter, c'était plus de la rigolade. Et bien que je sois enfant à cette époque, évidemment, ça m'a frappé aussi. Je me rappelle ces femmes avec leurs chignons, leurs gros chignons derrière la tête, la pèlerine sur l'épaule, c'était en hiver, faut pas l'oublier. Et je me souviens très bien que ça n'était plus tout rose, comme on l'avait cru au début, nous les enfants. Et je me souviens qu'un jour, il y a des gens qui sont venus avec des bachots, qui ont amarré ces bachots au long de ces maisons inondées, et qui ont cambriolé tout ce qui restait chez les sinistrés. Ça, je m'en souviens comme si c'était d'aujourd'hui. En commençant, on a cru que c'était des sinistrés qui... Ils venaient chercher leurs affaires. Qui venaient chercher leurs affaires. Mais quand on les a vus passer d'une maison à l'autre, alors là, on a compris ce que c'était. Et je me rappelle très très bien ces gens avec le bachot devant la maison, amarré solidement, une très grande échelle. Ils passaient par les fenêtres et ils ressortaient le mobilier, le linge, la vaisselle, tout ce qu'ils pouvaient emporter. Je me rappelle que mon père était à la fenêtre, il était pâle, il serrait les dents, il ne pouvait rien faire, nous ne pouvions rien faire. Mais ça s'est organisé aussitôt parce que nous avons vu venir de la police. Et cette police, les jours suivants, cette police était composée de marins, de la marine de guerre. Ces marins sont venus faire la police, il y en avait un qui vous a emmené. Je crois me souvenir aussi que nous sommes partis dans la direction d'Épinay. Nous sommes arrivés à une maison qui trempait complètement dans l'eau jusqu'à ras du toit. Tout d'un coup, nous entendons une voix qui sort de ce grenier et qui nous crie « Passez au large où je fais feu !» Nous nous disons « Qu'est-ce qui se passe ?» Le matelot parlemente, il crie « Police !» etc. Et du grenier, un homme nous répond en nous disant « Faites le tour de l'autre côté, je veux vous voir. » Nous avons fait le tour de l'autre côté de la maison, toujours dans le bateau bien entendu. Et là, nous voyons un pauvre vieux bonhomme qui s'était réfugié dans son grenier, c'était un épicier. Il n'avait pas voulu abandonner son matériel, il n'avait pas voulu abandonner ses réserves. Et comme il y avait des pillards, évidemment, il était resté là. Il préférait risquer la mort et garder ses lentilles. C'est que cet homme, en nous voyant Elle était contente, évidemment, d'avoir des êtres humains, parce que je ne sais pas depuis combien de temps il était là, il ne voyait plus personne. Je me souviens que nous sommes tous rentrés dans son grenier et qu'il nous a bourrés de bonbons, il nous a donné des pipes, je me souviens, en sucre. Il y en avait des rouges, il y en avait des verts. Qu'il avait grimpé au grenier. Tout était monté, c'est beaucoup de bonbons, tout c'était était... C'était Robinson de l'épicerie. Merci infiniment, Monsieur Plaisir. Votre service. Vous avez donc entendu ces divers témoignages sur les inondations de 1910. On aurait pu évidemment les multiplier et les détails se seraient amoncelés. Je vais vous demander de nous dire, vous, vos souvenirs. Cher Simone, vous nous avez dit tout à l'heure, du reste en passant, que vous étiez... Quai de Billy, où vous habitiez? Oui, j'habitais à ce moment-là 54 Quai de Billy, c'est-à-dire exactement au coin du quai qui, est maintenant, qui s'appelle maintenant, parce que ça change le nom tout le New temps. York, après Tokyo. Avenue de Tokyo, je crois maintenant. Non, c'est New York. Et des jardins du Trocadéro. C'est à cet endroit-là, le quai se relève légèrement. C'est à ce détail que nous avons eu la chance d'échapper à la nécessité de rentrer en bateau chez nous. Je répétais à ce moment-là Chanteclair. Comme vous savez, Chanteclair avait été remis un grand nombre de fois et nous étions presque à la veille de la répétition générale quand l'inondation a commencé à sévir. Et à ce moment-là, c'est-à-dire vers le 8e ou 10e jour, les lumières n'ont plus fonctionné dans les théâtres parce que les centrales électriques étaient inondées et nous ne pouvions plus répéter, ce qui a plongé naturellement Rostand dans un désespoir affreux. Et il a eu à ce moment-là le sentiment que vraiment jamais sa pièce ne serait jouée, que la fatalité était le prenait même, le visait même, et qu'il y avait là quelque chose dont contre quoi il ne pourrait pas lutter. Que les inondations étaient dirigées contre lui. Pas exactement ça, parce que tout de même, il était un homme raisonnable, mais il était un homme extrêmement sensible, et étant donné tous les ennuis et toutes les traverses qu'il y avait eues, ceci semblait vraiment être la dernière et la plus grave de toutes, car on ne prévoyait pas quand ça finirait. La Seine continuait à monter. Et il y a eu, un jour extrêmement dramatique, au moment où les égouts de la rue Saint-Lazare ont débordé, le pire jour, vous avez dit que c'était, je crois, le 28 janvier. On a cru que la gare Saint-Lazare allait s'effondrer. Il y a eu à ce moment-là un bouillonnement d'eau terrible. La place a été inondée par les égouts, non pas du tout par l'eau qui arrivait de la Seine, car comme le demandait tout à l'heure Morphée, nous n'avons pas eu une espèce d'inondation continue. Il y avait devant le quai de Billy, l'avenue Bosquet, la Seine, le quai, tout ça en effet était une espèce de mer où on ne distinguait plus ce qu'étaient les ponts, ce qu'étaient les entraves, ce qu'étaient les parapets. Et vous, Jean Verlet? Eh bien, moi, en 1910, j'étais au lycée Buffon. J'avais 10 ans et dans ma classe, il y avait Steve Passeur, et qui n'était pas encore auteur dramatique, et qui s'appelait Étienne Morin. Et il y avait son frère, qui s'appelait Jean, et les journaux avaient dit, au début de la crue, que les inondations étaient dues aux grands et aux petits Morin. Alors vous pensez, sur récréation, les malheureux frères Morin... Et Copette. Oh, on les traînait dans la boue et dans le ruisseau en leur disant « Vous êtes la cause des inondations ». Et je crois que c'est ça qui a donné à Steve Passeur cet air si triste qu'il a toujours, depuis les inondations de 1910. Mais c'était charmant parce que le lycée s'arrêtait tout de suite, alors ça c'était épatant. Et puis alors on allait en bateau parce que... Le quartier de Vaugirard que j'habitais était assez inondé. Ah, vous êtes allé en bateau, vous? Ah oui, moi je suis allé en bateau, bien sûr. J'habitais en bateau. Je suis allé en bateau avec les marins. Et puis, on courait le long des passerelles qui étaient sur des tréteaux parce que ça pliait un petit peu. On avait l'impression d'être des funambules. On trouvait ça très amusant. On a tout de même eu l'impression que c'était un drame lorsqu'on a vu les photos dans les journaux de la banlieue. Ah oui, c'était terrible. Parce que, alors, quand on a vu que la banlieue était... Dans cet état-là, l'eau jusqu'au ras des toits, alors... Et puis, on a fait des collectes dans tous les quartiers, on a eu des souscriptions nationales, et on a dit qu'il y avait, évidemment, une catastrophe par le nombre de gens qui étaient sinistrés. En tout cas, les quelques témoins que nous avons entendus nous ont donné une image véritablement exacte, à la fois pittoresque et émouvante. C'était excellent. Notre charmante boulangère racontait qu'elle avait vu un bœuf passer. Alors là, j'ai dit que j'avais vu une armoire à glace, mais j'ai vu des mobiliers complets passer sous mes fenêtres. Et hélas, j'ai aussi entendu les cris du petit caporal. Elle faisait allusion à ces deux petits soldats qui ont été noyés. Et en effet, ils avaient un bivouac qui était juste devant le 54. Et nous descendions toujours, quand je rentrais de répéter, pendant le temps où nous répétions encore, on leur descendait de quoi boire, de quoi manger. Enfin, ils étaient tellement sympathiques et gentils. Et à un moment donné, deux de ces garçons, moi je crois qu'il n'y en avait qu'un, il m'a appris qu'il y en avait deux, sont montés en barque, ont voulu évidemment aller voir ce qui se passait en amont ou en aval, et ils ont été emportés par le courant, qui était un courant torrentueux. Ah oui, c'était un courant torrentueux. C'est l'image qui a le plus frappé du reste de la plupart des témoins. C'était épouvantable. Vous n'étiez pas à Paris en 1910? Si, parfaitement. J'habitais place de la Trinité, mais je n'ai pas eu la chance d'aller en bateau comme vous. J'ai été seulement voir les gens de mon quartier, place Saint-Lazare. Eh bien oui, en effet, vous avez vu par conséquent peut-être ce jour terrible devant la gare Saint-Lazare, quand l'eau sortait en bouillonnant comme ça par les... Puis je suis descendu dans ma cave ou dans la cave de mes parents, et il restait deux marches qui n'étaient pas dans l'eau, et sur l'eau nageaient des bouteilles, tout avait été perdu. Ah, c'est pas de veine. Mais c'est de cette crue que date la réputation fameuse du zouave du pont de l'Alma, très probablement. Mais bien sûr, on ne parlait que de lui. Alors qu'ils sont quatre, on ne parle pas des trois autres. C'est vrai, quelle injustice. Voilà, et on en parle plus que du président Falière maintenant. Oui. C'était Soyez témoin, une émission d'André Gillois, avec Madame Simone, Jean-Pierre Morphy, Jean Oberlé et quelques témoins des inondations de 1910. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morphy. Montage radiophonique de Jacques Guinchard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 22 juin 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes.